هذا بيلف زو بارك زولوجيك حديقة حيوانات حيوانات خبيا فارماسي نعم طيب بسم الله كل كان كيسيون لا كل مدى كنت إن شاء الله المضارع المرفوع والمضارع المنصوب ها ريفيزي بيان لي فرا باسكو ان شاء الله باذن الله احنا بيانتو فيني سو سرا لو 3 اي ساشي كو لو 3 اي لي فريمون بلو لارج كو لو 2 سي با جوست ان بتي بو لو 1 لو 2 vous avez vu ça c'est proche alors que le 3 pour lui vous êtes censé avoir bien saisi le 1 et le 2 hein il faudra pas qu'on refasse le marfou ah ouais, c'est quoi un fa'il c'est quoi un maf'oul bih là vous êtes censé connaître ça. Moi, c'est pour vous, je dis ça, les frères, pourquoi? Comme ça, Inch'Allah, on fait bien le 3, et après, Allah il facilite. On fait le Shahad al-Ajrumiyya, on fait les deux livres de Médine. Et si Allah il facilite, peut-être on fera le Mutamima, Bidnillah. Si on peut le faire, on le fera ensemble, Inch'Allah. Peut-être après Ramadan. Alors, Inch'Allah, révisez bien. Tu vois? Barakallahu fikoum. Bismillah, qraya, khana. Arajou en tashtariya. أن تشتري باش تشتري صحيح أن تشتري ما سري أنا بدمن أرجو أن تشتري لي هذا لي هذا كتاب لي هذا الكتاب تفهمي وياك ما تقول لي أرجو أن تشتري أشتري لي هذا الكتاب سي كوم سي تا في رونتري لو لام دون لي هذا تفهمي tu peux dire لي هذا هذا الكتاب لي هذا et هذا الكتاب لي il y a une différence quand hein. Non. J'ai demandé aux frères là quand je lis Arjou an tashtari li hadha al kitab. Arjou an tashtari li hadha. Pourtant je vous aide là. Là je demande qu'il m'achète un livre à qui? À moi. Mais quand j'ai fait la lecture qu'il a fait le frère, c'était pour un autre frère. Il a fait rentrer l'amjar dans quoi? Dans ism l'ishara. Hein? Tayeb. Bismillah akhi Allah. Arjou an tashtari li hadha al kitab min al hindi. عندما تذهب إلى هناك في عطلة صيف نعم إنه بلغة الأردية أردية هي اللغة دو باكستان وما وجدته في المكاتب في المكتبات هنا. طيب ها شو أنا آسف إني لن أذهب إلى الهند في هذا في العطلة الصيفية أريد أن أذهب أريد أن أذهب إلى بغداد لأزور خالي الذي يعمل في سفارة الهند هناك وإخوتك ألا يذهبون إلى الهند نعم هم أيضا لن يذهبوا هذا العام بالمدينة نعم يريدون أن يبقوا بالمدينة المنورة القرآن الكريم وأخواتك هن أيضا لن يذهبن إلى الهند في هذه العطلة يريدنا أن يذهبنا إلى مكة أولا ليعتمرنا ويبقينا هناك شهرا عند خالتنا ثم سيذهبنا إلى الرياض لزيارة عمنا الذي المصاريف هناك. انتظري لي مودي maintenant que vous comprenez pas. Tu vois? من الطلاب. الهنود. لا. طيب الهنودي نعم. بارك الله فيك. يذهب إلى الهند في هذه العطلة. عطلة. نعم. سمعت أن طالبا هنديا اسمه خالد سيذهب إلى الهند قريبا. نعم خير شو؟ نعم أنا هو سيذهب في الأسبوع المقبل ولكنه لن يرجع لن يرجع. لماذا؟ لأنه مريض ومريض وسيبقى في الهند للعلاج وللعلاج. تبين للعلاج كم تبين؟ أتعرف جعفرا؟ كم تعرف جعفرا؟ نعم أعرفه لكنه من باكستان. من باكستان شوف. يمكنه أن تشتري. يمكنه أن يشتري. أن يشتري عفوا هذا الكتاب من باكستان. وإن الكتاب. فإن الكتاب الأردية. الأردية. موجودة في الهند والباكستان. أشكرك يا أيوب جزاك الله خيرا سأذهب إليه الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في أمان الله. في الدرس vous avez fait attention une révision de quoi du verbe au مضارع مرفوع لسين سوف لن ليشتري. C'est pour ça les frères, si vous écoutez maintenant ça, lisez beaucoup les textes. Vous allez voir, après vous allez beaucoup profiter, Inch'Allah. Il y a eu des mots pas compris ? Tu as compris, c'est bon ? Comment ? Al-Aman, c'est-à-dire la confiance. Al-Aman, la paix. C'est-à-dire sous la protection d'Allah. Fi amanillah. Non. La première page. Non. Ayoub, la dernière phrase. Ouais. La dernière phrase. Biziarati ammina alladhi ya'mal fi al-haji. Les banques, c'est le pluriel de masraf. On l'a vu, hein, ce mot. Non. Il y a que ça ? C'est bon, Inch'Allah ? Taïb. Bismillah, les frères. T'as le dash d'aujourd'hui, Barakal. Un asifoun. C'est pour ça entourer les frères. À la prochaine. Un asifoun, ça veut dire moi je regrette. Un asifoun. Ça, je lui dis dès maintenant, entourer, comme ça après on n'a plus à rechercher. Comme ça, dès que ton lit, tu entoures et on gagne du temps. T'as bismillah. Le dash d'aujourd'hui, ça parle de quoi ? Également des adawat, allati tadkhul ala al-af'al. T'as on va en dire. On a vu quoi ? Al-ma, al-nafiya. Qui se souvient ? Ça rentre dans quoi ? Le mardi, c'est tout ? Dans le mudari, le hal. Non, pas dans le hal. C'est-à-dire, elle rentre au mardi. Le foum ? C'est-à-dire quoi ? C'est une négation au passé. Et si elle rentre dans le mudari, ma dakuna, tu khalis le mudari, li le hal. Ma adhabu ila souk, ma'ana, fi hada al waqt. Taïb ? Après, on avait vu quoi ? La nafia. Vous vous souvenez ? Elle rentrait dans quoi ? المضارع ماذا تفيد النفي الحال والاستقبال vous souvenez de ça طيب نقول لا اذهب الى السوق et on a dit qu'elle pouvait rentrer dans quoi également في الماضي بشروط il faudra répéter le فعل مفهوم هل رايت زيد لا اعرفه ولا رايته مفهوم هذا c'est compris et aujourd'hui on voit quoi barakallahu fikoum لن ça s'appelle حرف نصب والنفي hein c'est un حرف qui rentre dans un verbe au mudara, khas. Il n'y a pas l'an dahaba, ça n'existe pas. L'an akala. Vous voyez ? L'an, ça veut dire quoi ? Harf, nas, ça veut dire quoi nas ? Ça veut dire qu'il va rendre le verbe au mudara, mansoub. Taïf ? Et il a un sens, un nafi, la négation. Et cette négation, chez beaucoup, c'est quoi ? Une négation lointaine. À la différence de quoi ? Barakallahu fikoum, de la. Quand tu dis la adhabu, on comprend quoi ? Fil hal. Et un moustakbel qarib. Walakin ida kulta barakallahu fik, lan adhaba. Yufha min kanamika, mada, annaka la sat adhab, fi mada, fi moustakbel al ba'id. Hada wal asl. Vous avez compris la différence ? Taïb ? Mais la différence entre lan et la, c'est quoi maintenant ? C'est que lan, c'est khas pourquoi ? Al mudara. Alors que là, on pouvait l'utiliser quoi ? Al madi. N'importe quel la ? La, c'est la nafia. La nafia.